Encore une chute hallucinante, l'atterrissage est imminent. Je nacherai pas mes militants, même pour atteindre les 10 000 ventes. Phase irritante, un pur leader leur apprenait, pas du tout sûr qu'ils meurent. Les chercheurs de punchline ont de quoi vider leur surligneur. Je dois reconnaître, y'a pas trop de son joyau, rap dégoûté, tu le sais. Ce projet c'est un album, pas une compile, faut l'écouter Q7. J'opère à la nage, j'ai pas d'yacht, même pas de radeau. Ne me compare pas à d'autres, je suis un secret, n'en parle pas trop. Je veux pas grailler dans le rap game, tu finis édenté, faut pas le fréquenter. T'as voulu nous baiser et tu t'es fait ganter. À l'abri des fils de pute, c'est mon délire de rue. Les TSR, c'est comme une prise, tu perds ta bite. Tu pisses dessus. Alors Hugo, paraît que tu chantes, jamais tu changes. Non, mon rap c'est un footing sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est Paris vu des toits, il pue la rue, il pue les squats. Je suis pas une star, tout le monde s'en tape. Pas besoin de porter des lunettes noires, une vue étroite, fenêtre sur rue. Le tsunami surgit. Ma zig c'est comme ma femme, c'est la plus belle, pas besoin de chirurgie. Je continue tant que je kiffe, même si on a que trois qui suivent. Je collectionne tant de titres dans le crâne, j'ai des feux d'artifice. Je suis négatif car les sportifs deviennent des sacs d'os. Le progrès c'est quoi? C'est un pervers avec un smartphone. Éclaire c'est temps en temps pour voir les poteaux sourire. C'est long entre chaque son, mais bon tu sais, j'ai souvent d'autres soucis. Encore un projet de plus, il paraît que je progresse plus. Personne n'aurait pu, on reste discret, fidèle à notre épute. Bord de la chapelle, c'est encore le terminus. Album sorti des tripes, Eric s'écrit à la dernière minute. C'est comme ça qu'on bosse, nous dans nos crânes c'est la Bosnie. On pose bien, le roi des punchlines c'est Hugo Boss. Oui, videur de bouteille, dealer coup de tête. Quand je viens planter mon drapeau, ils viennent pour planter leur fourchette. J'aime pas les contrats du son sale, c'est pas de la compta. Avec ma femme, on a connu la fin, elle mate la gonflable. Semelle pleine de plombage, faut que je retourne au bon char. Mais la bicra, je refais plus ça, même si c'est du bon char. Des co-vandales, des graffitis et des rimes sans défaut. J'ai pas changé d'adresse, pourquoi j'aurais changé de flow? Faut être lucide, à quoi bon réussir si t'as assez su? Travailler plus pour gagner plus, comme ça qu'un Mac parle à ses putes. Jeunesse sous perfusion, tes mains, y'a plus de ballon sur le synthé. S'il y a pas de clip, ils écoutent plus tes sons, c'est l'air du 5D. Y'a plus de justice, y'a plus que du bif et cette impasse me tue. Un petit branleur peut faire 10 fois la paye d'un mec qui se casse le cul. Fin du travail, le capital a pris la caisse. On teste la terre, on fait la guerre, même plus bactère, on lève la tête. Je lève aussi mon verre anti-tendance et joint de dynam. Celle-ci c'est la dernière, la révérence, le point final. Comme si on avait déjà pas assez de tracas ici. On peut savoir ce que tu cherches? Manger, boire. Y'a de l'eau là. J'aime pas tellement l'eau. Manger, boire, et bien sûr, tu ne sais rien faire d'autre. On peut rien te cacher. À propos, je te signale que j'ai pas de quoi payer. Dis-toi que je m'en doutais. T'as pas une tête à tirer l'argent. T'as pas une tête à tirer l'argent. T'as pas une tête à tirer l'argent. T'as pas une tête à tirer l'argent. Après cette entrée en matière, à notre manière, on met les pieds dans le plat. Car ici trop confondre le rap, la rue et Pôle emploi. Les notes qu'on tienne pas en place, la zig pour nous rien n'en remplace. Que nos salles de concert se remplissent, depuis toujours on demande rien de plus. Quand je rappe c'est moi, mon verre, mon shit, mes potes, la même équipe. Des fuck, pas d'MC qui, des frogs, ambiance de gros débiles. Si je me mets bien, t'inquiète, j'arrose les petits. Devenu le cauchemar des petits, je crée l'insomnie chez les narcoleptiques. Tu connais notre éthique, on changera pas, peu importe les critiques. Ce qu'on dit c'est de l'authentique, rien à foutre de paraître fort et crédible. Ouais, on kick ça, TSR, on skit pas, on tient des conquises, pas quand c'est la France qui part. On répond plus de nos actes, habitués à l'atmosphère Mossa, c'est loin d'être du Mozart. C'est la misère qui nous pousse vers nos armes, on lâchera pas une larme quand la fin de leur monde viendra. Si on s'entraide, on tiendra, c'est tous ensemble qu'on les vaincra. Inchugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit tout tes cartes. Parle pas d'indépendance, y'a pas coup d'égard. Ouais, la foule s'écarte, SR Crew c'est pas. Inchugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit tout tes cartes. Parle pas d'indépendance, y'a pas coup d'égard. Ouais, la foule s'écarte, SR Crew c'est pas. J'suis pas là pour délirer, t'es pas sur le plateau de la rue. Des pattes à tous les menus, des pattes qui résonnent dans la rue. Un stylo et j'passe à l'attaque, moi j'suis unique, j'ai pas l'avatar. Tu veux m'envoyer vers l'abattoir, mais qui veut me niquer, perd la mâchoire. Si tu pleures sur ton sort, tu peux remballer tes mouchoirs. Avec ce qu'on te prépare en sous-sol, tu seras plus en bonne santé soir. Suffit de regarder la victa pour tout y voir sauf la victoire. Il n'appartient maintenant qu'à toi de faire en sorte de marquer l'histoire. Même si autour ça part en vrille, le mal attire, mais c'est pas l'heure d'en vivre. Jamais albine, un flow rapide comme un tagger à puits. C'est la mort qu'on défie, les mêmes valeurs qu'on défend. On reste les mêmes, les jours défilent, baigné dans le rap depuis l'enfance. Les rappeurs papillonnent, mais crois pas que le peu rap a de l'aile. Tellement je postillonne, si je retourne mon micro, y aura du sky par terre. Des bêtes de phase, DSR, pas besoin d'appel de phare. Des délires plus sales que les touches d'ascenseur dans un hôtel de passe. Intugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit tout tes cas. Parle pas d'indépendance, y'a pas goût des gars. Ouais, la foule s'écarte, DSR crew c'est pas. Intugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit tout tes cas. Parle pas d'indépendance, y'a pas goût des gars. Ouais, la foule s'écarte, DSR crew c'est pas. Avec ce coup d'éclat, c'est plus que la guerre qu'on déclare. Aucun écart, ça fout des claques, mais qu'on descarte. Quand on débarque, qu'on se démarque, même en freestyle. Mais on veut pas la vista, on s'en fout de la victa. Boum, hasta la vista. La zig pour nous c'est vital, dans nos gobelets pas de vitesse. Toujours l'envie de grâce en big crap, on veut la vitesse. Tout ça, ça donne pas envie de rire, quand je suis largué par les vitrines. Anti-vigile de la prochaine bavure, on sera peut-être les victimes. Coup d'éclat, normal que beaucoup décalent. Essaye pas de nous mentir, oublie pas, nous on lit toutes tes cartes. Coup d'éclat, on sera jamais sous les tsars. Tu te chies sous les sables, aucun répit, on se dit tous les soirs. Intugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit toutes tes cartes. Parle pas d'indépendance, y'a pas coup d'égard. Ouais, la foule s'écarte, DSR crew c'est pas. Intugo Vincent, c'est le coup d'éclat. Essaye pas de nous bluffer, nous on lit toutes tes cartes. Parle pas d'indépendance, y'a pas coup d'égard. Ouais, la foule s'écarte, DSR crew.